بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc après avoir clôturé la semaine dernière, le quatrième point évoqué par Cheikh Abdullah al-Bukhari dans son livre intitulé, ou son épître intitulé « Ma hiya al-salafiyya ?» Qu'est-ce que salafiyya ? Nous allons passer, entamer aujourd'hui le cinquième point, qui est le mérite de suivre les salafs et la salafiyya. Donc, ikhwa, celui qui s'attache à la salafiyya, comme il se doit, obtiendra d'énormes récompenses, car il se sera attaché à la guidée et au chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces mérites, ces récompenses, il y a premièrement, le serviteur qui s'attache à la salafiyya suit et se soumet automatiquement à l'ordre divin. Et ceci fait partie de ce qu'Allah aime et agrée, en sachant que le sens du mot en arabe « al-ibada », l'adoration, est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, qu'il soit apparent ou caché. On peut déduire après cela que celui qui s'attache au suivi des salafs salih se soumet à l'ordre d'Allah, et celui qui se soumet à l'ordre d'Allah sera aimé par Allah, car il se sera attaché à la sharia. Deuxièmement, celui qui s'attache à la salafiyya obtiendra la guidée et sera préservé de l'égarement. D'après Jabir radiallahu anhu, dans l'authentique de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lors du pèlerinage d'adieu, j'ai laissé parmi vous ce dont vous ne vous égarerez pas si vous vous y attachez, le livre d'Allah. » Et qu'y a-t-il dans le livre d'Allah ? La réponse est qu'il y a l'ordre de suivre le messager d'Allah et les salaf salih, comme on a pu voir précédemment. Parmi ces preuves, ou parmi les preuves à cela, il y a la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Dans le sens du verset, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit au sujet du tafsir de ce verset est un fondement et une base dans le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, ses actions et ses situations. Et c'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné de prendre exemple sur le prophète dans sa patience, sa persévérance et l'attente de la victoire de son Seigneur lors de la bataille de l'Ahzab, les coalisés. Troisièmement, celui qui s'attache à la salafiyya est préservé et en sécurité de la divergence blâmable et blâmée. Car les textes des deux révélations, le Coran et la Sunna, ordonnent et exhortent à l'union sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Dans le sens du verset « Et cramponnez-vous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Allah dit aussi ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Dans le sens, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Et il a été rapporté dans le hadith de Al-Irbad radiyallahu anhu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. L'imam al-Barawi, rahimahullah, dit dans son livre « Sharh al-Sunnah » en commentant ce hadith, « Il y a en cela une preuve que les innovations et les passions apparaîtront, et Allah est le plus savant. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de se cramponner à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés et de s'y attacher le plus sérieusement possible et de s'écarter de ce qui a été innové et qui n'est pas conforme à leur sunna. L'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah, dans son livre intitulé « As-Sunnah » dit « Allah a dit « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ » Dans le sens du verset « Et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'imam Muhammad al-Marwazi, rahimahullah, dit « Allah nous a informé que seul son chemin est rectiligne et que les sentiers qui détournent celui qui les emprunte du chemin rectiligne sont nombreux. » Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a éclairci sur cela à travers sa sunna, en évoquant le hadith authentique rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tracé pour nous un trait sur le sol. Puis il dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis à sa gauche et à sa droite, il a fait des traits. Il a dit, ceci sont les sentiers, et il y a à chacun d'entre eux un shaytan, un diable, qui appelle à ce sentier. Puis il a récité le verset évoqué précédemment, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Puis l'imam Muhammad al-Marwazi, rahimahullah, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les innovations et les passions qui nous détournent de l'ordre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith est clair et nous informe que celui qui s'attache au chemin prophétique sera à l'abri de tomber dans les cordes de shaytan. Et celui qui se détourne du chemin des croyants tombera sans aucun doute dans ses cordes. Wal'iyadu billah. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dit dans son livre Al-Fawaid, quand les gens se sont détournés du jugement par et avec le livre et la sunna, ont cru qu'il n'était pas indispensable de se suffire de ces deux derniers, le Qur'an et la sunna, se sont dirigés vers les avis des hommes et l'analogie qui était injuste, ont considéré les choses blâmables comme étant bonnes et ont suivi les avis de leur chouyour. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Leur fitra, qui est la nature originelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, et qui est l'islam, donc leur fitra s'est altérée, l'obscurité a envahi leur cœur, leur compréhension s'est troublée, leur raison affaiblie, et l'effet de ces conséquences se sont propagés parmi les gens, jusqu'au point de ne pas considérer ces choses évoquées précédemment blâmables. Cinquièmement, celui qui s'attache à la salafiyya aura la récompense de celui qui le suit. Dans l'authentique de l'imam muslim, Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui instaure en islam une bonne tradition » aura sa récompense et la récompense de ceux qui ont œuvré avec après lui sans que leur récompense soit amoindrie. Ce hadith prouve que celui qui fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna de ses compagnons et des salafs salih et la propage autour de lui et que les gens la suivent par sa cause sera récompensé à hauteur de ceux qui l'ont suivi sans que sa récompense soit amoindrie. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit en expliquant ce hadith, « Il y a en ceci une exhortation à débuter par les bonnes œuvres et instaurer les bonnes traditions et une mise en garde contre le fait d'instaurer le faux et les mauvaises choses. » Sixièmement, celui qui s'attache à la salafiyya obtiendra le bonheur dans les deux mondes, donc dans la dunya, la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà. Et la cause de ce bonheur et qu'il met en pratique l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager, contrairement à celui qui s'en est détourné, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé dans sa parole ou à travers sa parole, où il a dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى » dans le sens du verset « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Donc, celui qui s'accroche à la salafiyya fait partie de ceux qui se détournent du rappel d'Allah ou de ceux qui le suivent. Celui qui s'y attache fait partie de ceux qui suivent et non ceux qui sont détournés ou qui se sont détournés. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui promet le bonheur éternel et l'énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tilka hududullah » وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dans le sens du verset, tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lequel, ou sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dans le sens du verset. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dit dans son épître, Ar-Risalatu At-Tabukiyya, en commentant ce verset, ceci prouve que l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager, et le fait de prendre Allah et son messager comme juge dans ses affaires, est la cause du bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qui médite sur ce monde, ses mots et les méfaits qu'il comporte, saura que tout le mal dans ce monde est la conséquence de la désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout bien dans ce monde est la conséquence de l'obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et idem pour les méfaits, les douleurs et les châtiments de l'au-delà. Ceci sont les conséquences des désobéissances au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la source des méfaits de cette vie et de l'au-delà est la désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui en découle. Si les gens auraient obéi au messager comme il se doit, il n'y aurait pas sur terre le moindre mal. Il n'y aurait pas sur terre le moindre mal. Comme ceci est connu dans les méfaits généraux qui se passent sur terre, ceci est aussi valable pour les méfaits, les douleurs et les soucis qui touchent le serviteur. Tout cela est une conséquence de la désobéissance au prophète, car son obéissance est-elle un fort ou un château qui protège ceux qui y rentrent, ou une grotte qui est un refuge et une sécurité pour ceux qui y accèdent. Après cela, nous savons que les méfaits de cette vie, de cette dunya et de l'au-delà sont des conséquences de l'ignorance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Et ceci est une preuve et un argument indéniable que le salut du serviteur et son bonheur ne s'obtient uniquement qu'avec la science, la connaissance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté et le fait d'œuvrer avec. Fin de citation. Après ceci, ikhwah, je voudrais rappeler une chose très importante. Ce n'est pas parce qu'une personne prétend être salafi que cela est vrai. Il doit bien sûr avancer des preuves à cela. Comment ? En agissant et en œuvrant en totale concordance avec ce qui découle de ce mot, salafi comme sens, comme le fait de s'attacher au chemin rectiligne. L'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « Ô fils d'Adam, ne te fais pas duper par la parole de celui qui dit « L'homme sera avec celui qu'il aime, car celui qui aime un peuple suit leur pas, et tu ne rejoindras pas les vertueux jusqu'à que tu suives leur chemin, en te réveillant le matin et en t'endormant le soir en étant sur leur minhaj, leur voie, en ayant cet engouement d'être parmi eux, même si tu n'œuvres pas énormément, mais le plus important est que tu sois sur le chemin de la droiture, la rectiligne. N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens qui prétendent aimer leurs prophètes alors qu'ils ne seront pas avec eux, car ils sont en totale contradiction avec eux par leurs paroles et leurs actes, et ont pris un autre chemin, donc leur destination finale sera l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين